Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 14, du chapitre qui se tenait deux fois par an à Sainte-Marie de la Portioncule. Après avoir obtenu de l'abbé des Bénédictins l'église Sainte-Marie, le bienheureux François ordonna qu'un chapitre s'y tiendrait deux fois par an, à la Pentecôte et à la Saint-Michel. À la Pentecôte, tous les frères se réunissaient à Sainte-Marie, examinaient les moyens d'observer la règle le plus exactement possible, et choisissaient pour chaque province des frères qui devaient y prêcher et y installer d'autres frères. Saint François distribuait des avertissements, des réprimandes et des conseils, ainsi que cela lui paraissait conforme au dessein de Dieu. Et tout ce qu'il disait, il le confirmait par ses actes, avec affection et sollicitude. Il vénérait les prélats et les prêtres de la Sainte Église, il rendait honneur au Seigneur, aux nobles et aux riches, il chérissait les pauvres et compatissait à leurs maux du fond du cœur, et il se donnait tout entier à tous. Bien qu'il fût le supérieur de tous les frères, il choisissait un de ceux qui restaient avec lui pour être son gardien et son seigneur, et lui obéissait humblement, afin d'éviter toute occasion de s'enorgueillir. Il s'humiliait parmi les hommes et s'abaissait jusqu'à terre, afin d'être exalté plus tard en la présence de Dieu, parmi les saints et les élus. Il recommandait assidûment aux frères de se conformer fidèlement au Saint-Évangile et à la règle qu'ils avaient promis de suivre, d'être révérencieux aux offices divins et aux ordinations ecclésiastiques, d'entendre pieusement la messe, et d'adorer très dévotement le corps du Seigneur. Il voulait aussi que les frères honorassent grandement les prêtres, car ceux-ci manient les choses saintes et administrent les sacrements, il leur prescrivait de s'incliner devant les prêtres, chaque fois qu'ils en rencontraient, et non seulement de leur baiser les mains, mais de baiser aussi les pieds de leurs chevaux, par révérence pour leur pouvoir spirituel. Il leur recommandait aussi de ne juger personne, et de ne pas mépriser ceux qui vivent délicatement et s'habillent somptueusement, car Dieu est leur Seigneur comme il est le nôtre, il peut les appeler à lui, et, par là, les justifier. Il voulait que ses frères les révérassent comme leurs frères et leurs seigneurs. Ce sont, disait-il, nos frères, puisqu'ils ont été créés par le même Créateur que nous. Ce sont nos seigneurs puisqu'ils nous aident à faire pénitence en nous fournissant ce qui est nécessaire au corps. Il ajoutait aussi, les frères doivent se comporter parmi les nations de telle façon que quiconque les voit ou les entend glorifie le Père Céleste et célèbre ses louanges, car son plus grand désir était que ses frères lui abondassent en œuvre servant à la gloire de Dieu. Et il leur disait, lorsque votre bouche annonce la paix, ayez encore plus de paix dans vos cœurs. Ne provoquez chez personne ni colère ni scandale, mais, par votre douceur, amenez tous les hommes à la paix, à la bienveillance et à la concorde. Car nous sommes appelés à guérir les blessés, à remettre sur pied ceux qui sont brisés et à ramener ceux qui s'égarent. Beaucoup nous semblent être des membres du diable qui peuvent encore devenir des disciples du Christ. Le Père réprimandait ceux de ses frères qui étaient trop durs pour eux-mêmes et s'exténuaient par des jeûnes, des veilles et des macérations. Quelques-uns en effet, afin de réprimer en eux tous les aiguillons de la chair, s'infligeaient de telles souffrances, qu'ils semblaient s'être pris eux-mêmes en haine. L'homme de Dieu leur défendait d'agir ainsi, leur adressait des reproches bienveillants et des avis raisonnables, et ses préceptes étaient comme des fils pour recoudre leurs blessures. De tous les frères qui venaient au chapitre, aucun n'eût osé raconter ce qui se passait dans le monde. Il ne s'entretenait que de la vie des saints pères et des moyens d'obtenir plus parfaitement et plus complètement la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si l'un d'eux était en proie à quelque tentation ou à quelque tribulation, il se sentait délivré de sa tentation et soulagé de sa tribulation comme par miracle. Dès qu'il avait vu saint François et qu'il avait entendu la pieuse douceur de ses paroles, car il leur parlait avec compassion, non comme un juge, mais comme un père miséricordieux parle à ses fils, comme un bon médecin parle à des malades. Il savait être infirme avec les infirmes, et s'affliger avec les affligés. Il n'en punissait pas moins tous ceux qui étaient en faute, et infligeait aux rebelles et aux indisciplinés la punition qu'ils avaient méritée. Le chapitre terminé, il donnait sa bénédiction à tous les frères, et désignait à chacun la province qui lui était destinée. Il donnait permission de prêcher, qu'il fût clair ou laïque, à quiconque avait reçu l'Esprit de Dieu et possédait l'éloquence nécessaire. Eux, après avoir reçu sa bénédiction, s'en allaient par le monde, la joie dans l'âme, en voyageurs et en pèlerins, n'emportant rien avec eux, sauf des livres pour dire leurs heures. Partout où ils trouvaient un prêtre, pauvre ou riche, bon ou méchant, ils s'inclinaient humblement devant lui et lui présentaient leur respect. Quand venait l'heure de dormir, ils s'adressaient plus volontiers à des prêtres qu'à des laïcs. S'ils ne pouvaient être hébergés chez un prêtre, ils cherchaient de préférence une hospitalité honnête chez des hommes pieux et craignant Dieu. Plus tard, le Seigneur inspira quelques hommes craignant Dieu de leur préparer des asiles dans les bourgs et les cités qu'ils voulaient visiter, et l'on bâtit des maisons pour les recevoir. Dieu leur donna un langage et un esprit conformes aux nécessités du temps, et leur inspira des paroles pénétrantes qui allaient au cœur de tous, jeunes et vieux, et ceux qui les entendaient, laissant père et mère et tout ce qu'ils possédaient. Suivez les frères et prenez l'habit de l'ordre. Véritablement, le glaive de la division avait été envoyé sur la terre, car les jeunes gens entraient dans l'ordre, abandonnant leurs parents dans le bourbier de leurs péchés. Et les frères conduisaient ceux qu'ils avaient reçus dans l'ordre au bienheureux François, pour recevoir de lui l'habit religieux avec piété et humilité. Non seulement les hommes se convertissaient, mais des femmes, vierges ou veuves, touchées par la prédication des frères, s'enfermaient, pour faire pénitence, dans des couvents qu'on avait établis, d'après leurs conseils, dans les villes et les bourgs. Un des frères fut désigné comme visiteur et correcteur de ces couvents. De même, des femmes et des hommes mariés, ne pouvant se délier des liens du mariage, se soumettaient dans leur propre maison, par le conseil des frères, à une pénitence encore plus sévère. C'est ainsi que par le bienheureux François, adorateur parfait de la Sainte Trinité, l'Église de Dieu fut restaurée, grâce aux trois ordres qu'il avait institués comme l'avait antérieurement figuré la réparation des trois Églises. Et chacun de ces ordres fut en son temps confirmé par le souverain pontife. Mark M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.